France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbéchour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. Nuit spéciale Black et Mortimer. Précisons tout de suite, première nuit spéciale Black et Mortimer, il y en aura deux. Alors pourquoi deux nuits spéciales Black et Mortimer? Mais parce que l'actualité en cette fin d'année 2014 est très Black et Mortimer. On pourrait dire que depuis quelques années, quasiment chaque début décembre est illuminé pour les amateurs de bande dessinée par le retour du capitaine et du professeur et évidemment de leur implacable ennemi Olric. Pas si implacable que cela en fait, mais enfin jamais terrassé durablement non plus. Alors cela va devenir, cela devient une habitude et il ne faudrait pas qu'une année les éditions Blake et Mortimer décident de nous frustrer d'un nouvel opus. Actualité Blake et Mortimer donc. Alors tout d'abord, et c'est le plus important peut-être, un nouveau Blake et Mortimer, c'est le 23e tome de la série, Le Bâton de Plutarque, dont vous êtes Yves Sente, le scénariste. Alors bonsoir Yves Sente. Bonsoir Philippe Garbi. Et dont André Juillard est lui le dessinateur. Alors ensuite, un beau livre autour de Blake et Mortimer, 329 dessins tirés des archives personnelles d'Edgar P. Jacobs, des carnets de croquis également aux éditions Blake et Mortimer. Puis un hors-série Historia consacré aux personnages de Blake et Mortimer dans l'histoire, les événements qui ont inspiré l'œuvre d'Edgar P. Jacobs. Et encore un nouveau tome des aventures de Philippe et Francis, c'est le tome 3, SOS Météo, par Nicolas Barral et Pierre Vess. Il s'agit d'une parodie officielle publiée chez Dargaud, alors officielle mais moqueuse évidemment, c'est le principe des parodies. Actualité encore et qui rend également hommage à l'univers d'Edgar P. Jacobs, les cocktails de Blake et Mortimer, 30 drinks terriblement british par Claire Dixot, publié aux éditions La Maison. Alors Yves Sente, qui boit du sherry et qui boit du whisky dans le couple Blake et Mortimer? Alors c'est bien naturellement Philippe Mortimer, l'Écossais qui boit le whisky, et le Gallois, Francis Blake, qui boit du sherry. Et Yves Sente boit quoi? Et André Juillard boit quoi dans le couple, alors scénariste-dessinateur? Nous sommes tous les deux plutôt whisky sans abuser que sherry. Alors, il n'y a pas que les cocktails de Blake et Mortimer, enfin, bu par Blake et Mortimer, il y a tous les cocktails, il y en a un, il y a le digestif d'Olric, par exemple, 4 centilitres de rhum blanc, 2 traits d'antésite, réglisse, anis, 1 trait de jus de citron, une pincée de sucre pétillant, voilà. Mais il y a énormément, tous les personnages de l'univers que vous connaissez si bien, Yves Sente, sont là et ont droit à leur boisson. Et puis il y a aussi un jeu, le jeu Blake et Mortimer, Witness, un jeu d'enquête, 4 joueurs, chacun incarnant un personnage de l'œuvre de Jacobs. On ajoute une réédition de SOS Météor dans sa version du journal de Tintin, une exposition à la maison Autrique à Bruxelles, avec les originaux du Bâton de Plutarque, exposition qui se tient jusqu'au 10 janvier prochain. Et là, je crois avoir fait le tour de la question. Oui, je pense que c'est tout parfaitement résumé. Bon, alors, deux nuits Blake et Mortimer, donc, alors cette nuit et samedi prochain, même heure. Deux nuits qui nous permettront surtout d'entendre un grand feuilleton diffusé à l'époque sur France 2 régionale, du temps de la RTF. C'était SOS Météor, d'après Jacobs, bien sûr, adaptation de Nicole Strauss et Jacques Langer, réalisation René Vinbay. Est-ce qu'on aurait pu envisager, Yves Sente, donc deux nuits Blake et Mortimer, une nuit consacrée à Blake et une nuit consacrée à Mortimer? Est-ce que ça a un sens? C'est un sens parce que Jacobs avait lui-même créé des biographies spécifiques pour chacun de ses personnages principaux, donc il y a matière à parler de chacun des héros et de Olric qui, même s'il tient le rôle du méchant officiel, est un héros aussi. Mais on n'imagine pas l'un sans l'autre, même si dans certains albums, Jacobs a décidé de faire jouer principalement le professeur Mortimer et que dans la tête de l'auteur d'origine, on imagine que c'est lui le véritable moteur de la série, même si semblait qu'il est quand même toujours un petit peu perdu. Mais en même temps, c'est les aventures de Blake et Mortimer, c'est pas les aventures de Mortimer et Blake. C'est un des mystères de la série. Sans doute pour la sonorité, ça sonnait mieux comme ça, je ne sais pas. Alors on ne sépare pas Blake de Mortimer ni Mortimer de Blake. Moi je vous ai séparé Yves Sente d'André Juillard, votre complice, puisque c'est vous qui allez introduire cette première nuit spéciale, vous qui allez nous parler donc du bâton de Plutarque. Et c'est André Juillard qui, dans une semaine, à la même heure donc, et au même endroit, nous donnera sa version de l'aventure commune, parce qu'après tout, il y a peut-être deux versions possibles, et si ça se trouve contradictoire, non, vous n'avez peut-être pas les mêmes idées. Finalement, on arrive à quelque chose de très bien, très réussi, comme le bâton de Plutarque. André Juillard et moi-même, nous discutons toujours préalablement quand je viens lui proposer ce qu'on appelle le synopsis, donc les premières idées structurées du récit que je lui propose. J'attends sa première réaction. Quand on écrit en tant que scénariste de bande dessinée, on écrit avant tout pour son dessinateur, parce que c'est la première personne qu'il faut séduire. S'il n'est pas, lui, enthousiasmé par le récit, ben ça se sentira sans doute dans son dessin, dans sa motivation, dans l'expression de son talent. Donc voilà, pour moi, la première personne à séduire, c'est mon partenaire, mon comparse. Et souvent, au cours de ces premières discussions, il me fait des remarques très intéressantes, parce que André Juillard est lui-même scénariste, donc il connaît le métier sous tous ses aspects. Donc il a toujours des remarques très, très pertinentes. Et à ce moment-là, on corrige parfois un petit peu le tir en fonction de ses souhaits. Et puis nous partons généralement faire un petit tour en Angleterre sur les lieux où vont se dérouler le futur récit. Et les lieux même, à ce moment-là, nous apportent de nouvelles idées. Parce qu'en étant sur place, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte, tiens, mais on devrait utiliser ça, on devrait jouer avec tel endroit, avec telle ambiance. Et voilà, c'est work in process et on progresse comme ça jusqu'au jour où on est bien d'accord sur la ligne à tenir. Et là, je retourne tout seul dans mon bureau, gratter le papier pendant des mois pour lui remettre le document final sur lequel il va travailler. Alors, on va parler du bâton de Plutarque. On en entendra aussi cette nuit, donc en plus du feuilleton SOS Météore, on entendra Une vie, une œuvre que Victor Massé de Lépine avait consacré à Jacobs en février 2012. Et puis des entretiens d'Edgar P. Jacobs accordés à Jean Dev. Ça, c'était en 1987, quelques mois avant sa mort. Mais aussi un entretien avec Jean Langlois, le conseiller éditorial du hors-série Historia. Alors, Yves Sente, donc, si j'ai bien compté, Edgar P. Jacobs avait écrit 8 titres. Alors il y a des doubles. 8 récits. 8 récits. Ils se déclinent parfois en 2 ou 3 albums, mais 8 récits, effectivement. Et vous, 5. Vous vous rapprochez finalement du maître. On arrive à un nombre qui sera bientôt proche de celui de Jacobs lui-même. Il faut dire que Jacobs travaillait seul, donc il cumulait la période accordée à l'écriture avec ensuite celle accordée au dessin et ensuite celle accordée à la couleur, parce que la couleur était très très importante pour Edgar Pierre Jacobs et il tenait à les faire lui-même. Et ça lui prenait beaucoup de temps, donc c'est comme ça qu'il a acquis une réputation d'auteur, on va dire, lent. Et fatalement, quand on travaille en équipe, on peut aller un petit peu plus vite. Et plus vite, et en fait, il y a plusieurs équipes aussi, parce que maintenant, il y a beaucoup de nouveaux pairs pour le Black et Mortimer, qui, eux, ne sont pas morts avec leur créateur. Tout à fait. Donc, quand les éditions d'Argot ont racheté les éditions Blake et Mortimer et que la décision était prise de relancer la série, donc l'éditeur a d'abord fait appel à Jean Van Am et Ted Benoît avec l'affaire Francis Blake, tout le monde, j'espère, a lu à l'époque. Excellent album qui a connu un succès vraiment foudroyant et étonnant, puisqu'il n'y avait plus d'album de Jacobs depuis plus de 10 ans quasiment. Et personne ne s'attendait, tout le monde espérait, mais personne ne s'attendait à un tel succès. C'était espéré, mais c'était pas garanti, disons. Mais bon, le travail de Jean Van Am et de Ted Benoît était fantastique. Et donc l'éditeur s'est dit magnifique, nous allons continuer, puisque le public est là, il en demande, allons-y. Et puis le deuxième opus de ce premier tandem a tardé à venir parce que Ted Benoît est un auteur très, très méticuleux qui voulait prendre absolument tout le temps nécessaire pour se mettre dans son ambiance ce deuxième album, L'étrange rendez-vous. Et il met tellement de temps à produire cette qualité, ce qu'on ne peut pas lui reprocher sous cet aspect-là, bien évidemment, que l'éditeur se dit, mais finalement, on va peut-être monter une deuxième équipe, justement pour que chacune des équipes ait le temps nécessaire pour apporter la qualité digne de l'attente des lecteurs de Jacobs. Lui-même mettait beaucoup de temps, et si on voulait poursuivre ce succès, il ne fallait pas décevoir, ni sur le plan de l'écriture, ni du dessin, ni de la couleur, etc. Donc voilà, et quand j'ai entendu parler de cette idée de monter une deuxième équipe, j'ai envoyé anonymement à l'éditeur un scénario. Parce que vous étiez dans le bâtiment déjà. J'étais chez un autre éditeur, j'étais directeur éditorial aux éditions du Lombard, et donc j'avais des discussions avec mes confrères de chez Dargo, d'autres maisons, et c'est comme ça que j'ai entendu parler de la chose, et j'ai dit « Ah, mais j'ai reçu... un scénario par la poste, c'était normal, puisque j'étais au Lombard, et c'est là qu'était éditée la série Blake et Mortimer au début, donc il y a des gens qui s'adressaient toujours au Lombard pour ce qui concernait Blake et Mortimer. Et donc j'ai envoyé anonymement un scénario en disant, ben voilà, j'ai reçu ça, vous me direz ce que vous en pensez, puis vous en ferez ce que vous voulez, c'est vous les décideurs. Et une semaine plus tard, j'étais voir mon confrère, directeur éditorial d'Argo, qui était Didier Christman à l'époque, qui m'a reçu dans son bureau, il m'a dit « Mais c'est qui le fou qui a écrit ce machin ?» Alors, je deviens vert, je me dis « Le fou, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est si mauvais que ça ?» Je me dis « Bon, tant pis, c'est fait, je me lâche. » Je dis « Bah écoute, c'est moi. » « Mais c'est super, il me dit, c'est vraiment dans le ton. » On a déjà parlé à Claude Saint-Vincent, qui est le directeur général d'Argo aujourd'hui du groupe Média. Et donc, tout le monde est très content. Voilà, on veut le faire. Mais on n'avait pas de dessinateur. La machination Voronoff. Et c'était le scénario donc de la machination Voronoff. Et on n'avait pas encore de dessinateur. Et là, c'est de nouveau, quelques semaines plus tard, Didier Christman me rappelle et me dit « Tiens, je l'ai fait lire à André Juillard, qui adore et a envie de le faire. » Bon, je ne connaissais pas du tout André, c'est-à-dire que je le connaissais comme auteur, évidemment, de réputation, le 7 vies de l'épervier, tout ça, je trouve magnifique, travail. Le cahier bleu. Et cahier bleu, bien entendu. Donc j'étais très, très, très flatté, surpris, honoré, tout ce que vous voulez. Et donc, je l'ai rencontré dans les bureaux de Dargo, le jour où il a porté les premières planches de mon récit. Donc, c'était double, triple émotion en même temps. Voilà, et c'était le début d'une belle amitié, parce que au moment de la réalisation de cet album, puis de la sortie, on a appris à mieux se connaître. On se connaissait pas personnellement. Et on a décidé de poursuivre. Et pour les albums suivants, on a eu l'occasion là de collaborer plus en amont ensemble, de décider des récits à réaliser pour la suite, aller visiter les lieux ensemble. Et puis parler aussi avec les autres auteurs, parce que Van Ham, en effet, il faut pas que le même mois, le même jour, je sais pas, en 57, le 15 février 57, Blake et Mortimer soient à Londres, alors que dans un autre album, ils sont à Moscou ou je ne sais où. Ah oui, tout à fait, il faut rester cohérent par rapport à ce qui a déjà été fait, d'abord par ce qui a été fait par Edgar Pierre Jacobs, ça, bien évidemment, et entre auteur-repreneur, on va dire. Mais on a eu quelques discussions. Enfin, les discussions me concernaient plutôt moi, puisque les albums écrits par Jean Van Ham étaient antérieurs dans la chronologie Blake et Mortimerienne au mien. Ils se passaient dans l'année 54, grosso modo, alors que moi, je commençais en 1957, puisque la machination Voronoff se termine avec le vol du Spoutnik en octobre 57. C'est la première fois en fait que ça se passe dans un pays qui existe, enfin en URSS, on ne parlait jamais de l'URSS dans les années 50 dans le journal de Tintin, puisque ça c'était pré-publié dans le journal de Tintin. Donc il y a une espèce de, on entend bien dans SOS Météor, le feuilleton qu'on entendra au cours de cette nuit et puis de la nuit dans une semaine aussi. C'est ce pays, on ne sait pas trop d'où vient, enfin on imagine quand même, ça se passe un peu à l'Est quand même. Mais c'était, je pense, un des drames de Jacobs, je dis je pense parce que je ne l'ai malheureusement pas connu. Je suis rentré dans le métier après qu'il soit décédé, donc j'étais un lecteur, fan comme tout le monde quand j'étais gamin, mais je n'ai pas eu la chance de rencontrer l'homme. Mais j'ai lu, comme beaucoup de gens, j'ai écouté ses interviews, je me suis penché sur la question, et puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens qu'il avait, eux, très bien connus. Et effectivement, pour répondre à votre question, je pense qu'il y avait une frustration chez Jacobs au départ, du fait de l'époque. En 1946, au sortir de la guerre, on ne dit absolument pas ce qu'on veut ni comment on veut quand on s'adresse à un public pour enfants. Jacobs a eu des ennuis avec la censure plusieurs fois. Le piège diabolique était interdit 10 ans à cause de la loi protection de lecture pour la jeunesse. Et il en a été très très marqué, donc il essayait toujours de ménager le plus large public possible, les susceptibilités des autorités publiques, en minimisant les noms, en ne présentant pas trop de personnages féminins, hein, parce que ça aussi, ça, à l'époque, c'était mal vu, etc. Mais cela ne correspondait pas à ses envies, ou nécessairement à ses ambitions propres. Il aurait sans doute, c'était un homme passionné par l'histoire, passionné par son époque, par la science. C'était un homme qui avait envie de parler de sujets d'actualité brûlants à travers ses aventures, mais l'époque voulait qu'il soit obligé de se freiner sur la nomination, on va dire, des choses, alors qu'aujourd'hui, on peut appeler un chat, on peut appeler l'URSS, l'URSS... Parce qu'elle n'existe plus. Quand vous avez écrit Yves Sente, La machination Voronov, l'URSS n'existait pas, donc n'existait plus. Déjà, aujourd'hui, est-ce que vous pourriez inventer un scénario Black et Mortimer allant dans un pays existant et critiquer... Alors là, vous touchez au point crucial de la reprise, et c'est toute la difficulté de la chose. Au départ... Envoyez-les en Corée du Nord, par exemple. Vous pourriez ? On pourrait le faire dans le sens où Jacob s'écrivait toujours en temps réel, donc s'il vivait toujours, oui, mais il le ferait, par exemple. En la Corée du Nord. Aujourd'hui, il pourrait le faire, bien entendu, parce que... Bien entendu, les mœurs ont évolué, la jeunesse est beaucoup plus ouverte à différents sujets, nos politiques aussi qu'à l'époque. Donc tout serait possible. Mais l'éditeur, au départ, je pense que c'était une excellente idée, a décidé de relancer les nouveaux albums au cœur du mythe, c'est-à-dire dans les années 50. Donc la difficulté pour nous aujourd'hui est d'écrire des histoires qui se passent dans les années 50, mais tout en sachant qu'on s'adresse à un public qui va le lire en 2014-2015 bientôt. Donc, il ne faut pas que ça lui paraisse trop démodé, trop vieillot, mais en même temps, il faut que ce lecteur ait le goût de sa Madeleine de Proust. Il faut qu'il ait ce parfum de nostalgie qu'il attend et qu'il recherche dans cette série. Mais en même temps, si on écrivait exactement comme Jacob s'écrivait dans les années 50, il s'ennuierait. Bien sûr. Et puis, pour notre plus grand contentement, il faut qu'on soit en terrain connu. Donc, évidemment, avec les codes jacobsiens. Et puis, il faut qu'il y ait du nouveau. Parce que, et c'est le cas avec Le Bâton de Plutarque, c'est le cas avec La Machination Voronov, c'était le cas avec tous ceux que vous avez écrits et puis tous les autres de la série également. Alors, vous parliez de la censure pour Jacobs, mais alors, parce que c'était quoi? Le piège diabolique, c'est violent, c'est ça? À l'époque, le commentaire officiel était que le piège diabolique présentait une vision trop pessimiste du futur pour les jeunes têtes blondes des années 50-60, que les images du passé étaient trop horribles, trop effrayantes, et qu'il fallait protéger les enfants absolument après la guerre, il fallait des choses gentilles, positives, optimistes. Et de ce point de vue-là, la censure, en tout cas en France, a jugé que cet album était trop osé pour des jeunes de 7 à 77 ans, tels que... l'annonçait le slogan du journal Tintin. Alors quand même, en 1946, quand était créé le journal de Tintin en Belgique, puis deux ans après en France, la violence, elle était là, parce que le secret de l'Espadon, c'était pas d'une joyeuseté. On va entendre toute cette nuit, donc, et puis dans une semaine, SOS Météor, mais je voudrais vous faire écouter un tout petit extrait d'une autre aventure de Blake et Mortimer, que vous allez reconnaître, bien entendu, Yves Sente. Il était temps que nous décollions. Jim! Jim! Branchez la radio! Ici Radio Lhasa. L'attaque éclair conçue par notre génial empereur a pleinement réussi. Nul n'a pu s'opposer au vol triomphal de nos invincibles escadres. Les plus fières cités ont été réduites en poudre. New Delhi n'est que ruine et désolation. Rome, la ville éternelle, n'est plus qu'un souvenir. Paris, la ville lumière, gît sur le sol broyé. Londres achève de se consumer et nos parachutistes hissent en ce moment nos couleurs sur ce qui reste gratte-ciel de New York. La terre entière est entre nos mains. Nous sommes les maîtres du monde. Mon Dieu, Blake, C'est effrayant. Ils paieront tout ça, Mortimer. Un extrait, bien entendu, du Secret de l'Espadon, d'après Edgar P. Jacobs, réalisation et direction artistique Henri Gruel et Francis Scaglia, avec Jean Servais dans le rôle d'Olric, mais on l'a pas entendu, Bruno Kremer, Mortimer et Henri Guizol, Blake. C'est un disque Philips, d'après les héros du journal de Tintin. Alors, Yves Sand, essayons de bien comprendre. Le Secret de l'Espadon est publié, enfin pré-publié en 46, ça se passe en 1946, c'est-à-dire que la Deuxième Guerre mondiale est terminée depuis un an. Paris anéanti, Londres achève de se consumer, tout. Enfin, voilà. C'était le Tibet. Parce qu'après tout, on pouvait pas. Le Tibet n'allait pas réellement nous attaquer, donc c'était une œuvre comme ça de fiction totale. On va comprendre mieux peut-être le Secret de l'Espadon grâce à vous, parce qu'on va savoir ce qui s'est passé quelques mois avant, grâce au bâton de Plutarque, publié aux éditions Black et Mortimer. Yves Sand, dont vous êtes le scénariste, et dont André Juillard est le dessinateur. Alors effectivement, en 1946, quand naît le journal Tintin en septembre, Hergé réunit une équipe autour de lui avec l'éditeur Raymond Leblanc. Hergé poursuit... reprend le ça va être le Temple du Soleil, puisqu'il y a eu les sept boules de cristal. Voilà, il reprend le récit qui était déjà en cours, et autour de lui, il essaye de réunir une équipe qui va proposer évidemment au lecteur des choses différentes. Il fallait une aventure réaliste avec un peu plus d'action. Les récits de guerre étaient quand même très, entre guillemets, à la mode, et le cinéma allait suivre dans ce genre-là. Et donc, Jacob, ça part du principe qu'il va y avoir une Troisième Guerre mondiale. C'était pas un scénario lancé n'importe comment, parce que on sait aujourd'hui qu'à l'époque, à la fin de la guerre 40, un certain nombre des généraux alliés avaient proposé de poursuivre, de s'allier à l'Allemagne et d'aller jusqu'au bout pour anéantir, profiter de l'avancement et du débarquement pour aller anéantir le communisme une fois pour toutes. Chose qui a été évidemment refusée par les politiques, sachant très bien que les opinions publiques n'auraient pas accepté une nouvelle mobilisation, tout le monde était à genoux. Donc le projet a été abandonné à l'époque, mais on sait que des gens comme Patton ou MacArthur étaient plutôt pour ce genre de solution. Continuer, ils étaient à genoux, on termine la chose immédiatement et on va s'éviter les 50 années de guerre froide qui allaient suivre d'ailleurs. Bon, ça c'était l'histoire, Jacob c'était sans doute au courant, il lisait la presse comme tout le monde, ou il devinait mieux que les autres, je ne sais pas. Et donc, naturellement, il place le nouveau péril du côté de l'Est, puisque c'est ce qui allait effrayer les Occidentaux pour les décennies à suivre. Donc, une fois de plus, enfin, ou dès le départ, je dirais, Jacob se montre assez visionnaire dans les sujets qu'il choisit. Mais pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, à l'issue de cette publication, on lui a fait le reproche, mais pourquoi venir, après la guerre, proposer à des jeunes des récits aussi violents, etc. D'où le souhait de corriger le tir très vite, et derrière, c'est le mystère de la Grande Pyramide, qui est une pure quête archéologique, beaucoup plus gentillette, il y a moins de coups de feu, moins d'armes, etc. Et bon, il y aura quand même d'autres critiques, il y a toujours des critiques, quoi que vous fassiez, surtout si vous avez du succès, vous ramassez des critiques. Et je pense, pour avoir lu pas mal d'interviews de lui, en tout cas la plupart de celles qu'il a données, que Jacobs a essayé à peu près à chaque album de corriger le tir par rapport aux critiques qu'il avait reçues sur le précédent. Et c'est comme ça qu'il a changé de ton ou de sujet à peu près à chaque album. Mais pour revenir au bâton de Plutarque, l'idée est venue quelque part, l'idée est née il y a longtemps, dans le sens où André Juillard m'avait envoyé la biographie des personnages que Jacobs avait écrit lui-même dans l'Opéra de Papier. Et ces petites biographies recèlent en fait un nombre incroyable de détails sur leur vie, sur leur passé, leur cursus scolaire, universitaire, leur famille. Et si Jacobs l'a écrit, c'est peut-être qu'il avait envie de donner plus de chair et plus de psychologie à ces personnages qu'il ne pouvait le faire dans le cadre du journal Tintin. Donc nous sommes dit, c'est lui rendre hommage et certainement pas lui faire injure que d'utiliser ce qu'il a écrit lui-même pour nos futurs récits. Ce qui colle plus aussi avec les souhaits peut-être du public des années 2000 qui attend des personnages plus crédibles, plus fouillés psychologiquement que dans les années 40 ou 50. Donc nous sommes partis dans cette brèche, on a commencé à explorer leur passé. Et c'est en réfléchissant comme ça que je me suis dit, mais c'est vrai, Blake a eu cette vie de squadron leader sur un porte-avions pendant la guerre, tout ça, Jacobs l'a dit. Est-ce qu'on ne repartirait pas de là? Donc suis mis à relire l'Espadon. Et une chose m'a frappé, c'est que quand j'étais gamin, je l'ai lu sans me poser de questions, mais en ayant quelques petits arrêts de lecture, comme ça, inconscient ou semi-conscient. Ça m'est revenu, enfin j'ai relu l'histoire plusieurs fois dans ma vie, et il y avait des choses qui me gênaient. Et cette fois-ci, je l'ai lu en me disant, essaye de ressentir, de t'arrêter au moment qui te gêne, pourquoi ? Et c'est à ce moment-là qu'à ma grande surprise, j'ai découvert l'origine de mes gènes, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaitement cohérentes dans le récit, comme par exemple, au tout début, Ulrich voit passer le Golden Rocket, qui est un avion inventé par Jacob, bien entendu, mais qui est inventé par les Anglais, un nouveau prototype, un avion que personne n'a jamais vu, et il le reconnaît tout de suite dans le ciel, il dit « Oh, le Golden Rocket !» Plus tard, il dit « Oh, c'est Blake et Mortimer !» Mais il ne les a encore jamais rencontrés. Comment peuvent-ils se reconnaître ? Alors évidemment, à l'époque, Jacobs ne devait pas s'embarrasser de ce genre de détails de crédibilité. Les gamins qui lisaient le journal Tintin voulaient du feuilleton qui bouge à chaque page et on n'allait pas commencer à donner des explications supplémentaires. Déjà qu'il y avait beaucoup de textes sur les planches de Jacobs, on n'allait pas en rajouter. Et ça passait très bien comme ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de petites incohérences. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas se donner ce défi ? On va aller explorer d'autres pans du passé des personnages principaux qu'on n'a pas encore été voir, mais que Jacobs nous a annoncé. Et on va en profiter pour justifier a posteriori les petites pseudo-incohérences qu'il pouvait y avoir à la première lecture de l'Espadon. Ou pour les autres albums, par exemple, je ne vais pas tout raconter évidemment maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore lu le bâton de Plutarque, mais il y a, par rapport à Mrs. Benson, l'horlogeuse, des choses qui peuvent paraître surprenantes ou étonnantes. Moi, comme lecteur, on me dit c'est Mrs. Benson et pas Miss Benson, donc c'est qu'elle a été mariée. Elle est habillée tout en noir, on ne voit jamais son mari, donc c'est qu'elle est veuve. Qui était Mr. Benson ? C'est une question qui m'intéresse moi, je me dis ça peut en intéresser d'autres. Blake et Mortimer habitent ce magnifique appartement à Park Lane, qui est en face de Hyde Park, qui était à l'époque et qui est toujours aujourd'hui un des quartiers les plus huppés de Londres, et les loyers déjà à l'époque étaient exorbitants, et certainement pas dans les moyens d'un capitaine de l'armée et d'un salaire de scientifique employé par l'État. Comment peuvent-ils habiter là ? Comment ça se passe ? Jacobs n'y a sans doute pas pensé, il s'est dit l'endroit est beau, je vais le prendre, je les installe là. Mais quelque part, c'est un peu incohérent. Donc, pourquoi ne pas essayer de donner une réponse cohérente à la chose et expliquer comment ils se sont installés là et comment ils ont rencontré Mrs. Benson, etc., etc. Et à travers ce récit, outre, j'espère, une aventure qui va captiver les plus petits, et j'espère que pour les plus anciens fans, on va apporter des réponses à des questions qui ne se posait peut-être pas totalement de manière consciente, mais qui a peut-être dû les gêner, comme moi ça m'a gêné quand je lisais les albums. Mmh. D'où donc le fait que le bâton de Plutarque commence quelques mois avant le secret de l'Espadon, en 1944, en gros, c'est toute l'année 44, et puis avec une chute, mais on ne raconte pas tout, bien entendu, en début 46, c'est-à-dire on sait qu'on est en 46, parce que Churchill n'est plus Premier ministre, donc quand on est enfant, on ne sait pas si c'est Churchill ou je ne sais qui le Premier ministre, mais adulte, on va vérifier un petit peu quand même. C'est Attlee. Voilà. Alors, en 46, en 44, donc, que peut-il bien se passer ? Et puis alors, vraiment, là, il faut en effet vous donner des éclaircissements au secret d'Espadon. Vous devez rester dans les codes jacobsiens dont on parlait tout à l'heure. Vous devez donner du nouveau, alors qu'on sait très bien comment ça va se terminer. C'est très difficile, votre pari de scénariste. C'est un pari de scénariste, effectivement, enfin que je partage avec André. On s'est dit oui, ce pari, et avec l'éditeur, c'est un pari qu'on a eu envie de prendre. Comment essayer de faire un véritable suspense en racontant ce qu'on appelle une préquelle d'une histoire, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant une histoire mythique, On connaît la fin, mais c'est pas ça qui est important. C'est savoir comment ça va se dérouler, comment on va expliquer les choses. On croit presque que finalement le très méchant Bassam Badoum, c'est ça? Bassam Damdou. Damdou va rater son coup. On sait très bien nous, puisqu'on a lu et vous, ça n'annule pas le secret de l'Espadon. Bien entendu, on sait très bien qu'en effet Londres va être rayé de la carte, que New York, voilà, que Paris, enfin tout l'Occident est écrasé par la puissance de l'empereur de Lhasa. Et pourtant, on y croit dans le battant de Plutarque, on se dit, avec tout ce qu'ils arrivent à faire, Blake et Mortimer, avec toute leur intelligence, avec toute leur intelligence, en même temps, ils sont pas comme nous, lecteurs, ils comprennent pas que X, on va pas dire qui, est une tête de traître, quand même. Il y a toujours un traître, donc... Nous, on l'en voit mieux, c'est quoi? Comment vous racontez l'entrée d'un traître dans un scénario, Yves Sant? L'idéal est évidemment de le faire accepter par le lecteur sans qu'il ne le remarque, de le faire intervenir, sortir, réintervenir, sortir, jusqu'au moment où le lecteur s'habitue à lui comme un des personnages secondaires du récit. Il faut en faire intervenir d'autres qui n'auront aucune espèce d'importance, mais qui sont juste là pour brouiller les pistes, et faire en sorte que, petit à petit, dans le récit, le lecteur se dise « ça doit être lui, non, c'est peut-être plutôt celui-là, non, c'est plutôt celui-là », et évidemment, essayer de faire en sorte que le mauvais soit le dernier auquel il pense. Alors, c'est qu'on a réussi son travail de scénariste. Oui, parce que alors, donc, ce battant de Plutarque, Yves Sant, c'est un album de bande dessinée, une histoire de guerre, une histoire d'espionnage, une histoire policière, puisqu'on ne sait pas qui est qui. Bon, jamais d'histoire d'amour, mais ça, c'est pas le principe des aventures de Blake et Mortimer. Comment on réussit tout ça dans un seul récit qui, en effet, va déboucher sur un autre récit que tout le monde connaît? J'ai été chercher dans le récit que tout le monde connaît la source de mon inspiration. Pour ceux qui connaissent bien la série, nouveaux, qui ont lu Le Secret de l'Espadon, on assiste en tout début d'album, pas dans les toutes premières planches, mais en tout début d'album, planche 5 ou 6, à la rencontre de Blake et Mortimer, enfin la rencontre, justement. Blake arrive dans cette base secrète de Scofell au nord-ouest de l'Angleterre. Il rejoint Mortimer qui est déjà occupé à dessiner ses plans pour le futur Espadon et le Golden Rocket existe déjà. Et il se retrouve et Mortimer lui dit okay. Et alors cette réunion à Londres, comment ça s'est passé? Ah, tous ces politiciens, tous des ânes battés. C'est pas, je ne fais que citer Jacobs. Donc Blake et Jacobs. Ils n'ont que les mots ONU à la bouche, etc. Ce qui est quand même étonnant pour une entrée en matière de récits, de séries et de personnages que personne ne connaissait à l'époque. Ils commencent par parler d'une réunion à laquelle on n'a pas assisté. Donc là aussi, je me dis, mais ce qui serait intéressant, c'est de raconter cette réunion à la fin de mon récit pour que la rencontre de Blake et Mortimer au début de l'Espadon devienne logique et qu'on comprenne de quoi il parle, parce qu'on ne comprend pas très bien. Et voilà, j'ai été pêcher tous les éléments comme ça, restés sans réponse concrète. D'ailleurs, Blake et Mortimer se connaissent déjà au début de l'Espadon. Comment se sont-ils retrouvés? Ah ben ça, on le sait grâce à vous aussi. J'avais expliqué leur jeunesse, comment ils se sont croisés la première fois à Simla en adolescence. Mais ça, après, c'était ils se dans sont quel quittés. Album alors? Dans les sarcophages du sixième continent. Dans le premier tome. Oui. Mais comment se sont-ils retrouvés dans cette base à travailler sur le même projet? Jacobs ne l'a jamais expliqué. Et moi, je me demandais toujours, mais comment ils se connaissent ces vous pensez ces qu'on veut toujours tout savoir? Les silences du récit bien sûr sont que interdits. Je ne sais pas, ça dépend de chaque lecteur. Moi, je suis comme ça. Ce qui m'a plu dans Tintin, c'est que j'ai assisté à la rencontre Tintin-Haddock. J'ai assisté à la première rencontre Tintin-Tournesol. Hergé nous a chaque fois amené la rencontre des personnages principaux. On sait comment Tintin les a tous rencontrés. Bah, vous ne savez pas comment Tintin a rencontré Milou. Là, c'est une très bonne remarque. C'est la seule... La seule chose qu'on ne sait pas, il ne nous a pas expliqué, c'est vrai. Ah. Mais les autres personnages principaux de l'univers, on a tous assisté les uns après les autres à leur arrivée, à leur rencontre avec Tintin. Et là, dans Blake et Mortimer, il y avait un tas d'éléments qui étaient donnés, supposés acquis. Et en tant que lecteur, ça me gênait un petit peu. Je me dis, tiens, mais comment ils se sont rencontrés? Je me suis déjà posé des questions. Parfois, j'en rêvais, gamin, je me posais des trucs. Et donc, quand, plus tard, adulte, on vous donne la chance de jouer avec les personnages, avec la série, avec les codes, La première chose que vous avez envie de faire, c'est l'album que vous auriez aimé lire et qui va répondre aux questions que vous, dont vous auriez aimé avoir la réponse. Ça, c'est quand même un privilège extraordinaire. C'est un privilège extraordinaire que j'essaye de partager avec le plus grand nombre, mais bien entendu, il y a peut-être qui ne se posaient pas la question et qui se disent est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas. Mais bon, par les courriers et les réactions des gens, on sait que la plupart sont plutôt très contents d'avoir une revisite du passé de leur série. D'ailleurs, dans les sarcophages du sixième continent, on a cette histoire d'amour alors entre Mortimer et cette jeune femme. On va la voir beaucoup plus âgée et plus tard, mais voilà, on ne raconte pas tout non plus. Là aussi, c'était des remarques très souvent humoristiques de genre « Oui, mais enfin, Blake Mortimer, les femmes, ça ne les intéresse pas » ou « Pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais rencontré quelqu'un ?» etc. Une fois de plus, la réponse, elle est dans la censure à l'époque. Il était hors de question de placer dans un journal pour jeunes garçons des personnages féminins, des histoires d'amour. Tout ça, c'était considéré comme déplacé dans les années 40. Donc, c'est pour ça que Jacobs ne l'a pas fait. Anecdote, Paulette Smet, qui dirigeait les studios Bellevision, donc la branche audiovisuelle du journal de Lombard, de Tintin, Lombard. Tout ça de l'époque, a bien connu Jacobs. Elle m'a raconté qu'un jour, il y avait un projet de film sur Blake Mortimer et les réalisateurs voulaient adapter la marque jaune, mais la rendre un peu plus moderne. Et ils avaient décidé de joindre un personnage féminin aux deux héros. Et Jacobs, apparemment, était très enthousiaste à l'idée. Lui n'avait pas pu le faire, mais s'il avait pu, il aurait mis des personnages féminins, il aurait été plus proche de la réalité qu'une pouvait l'être. Mais vous, d'ailleurs, Yves Sant, dans un autre album, Le Sanctuaire du Gondwana, vous faites présenter une rencontre donc avec une jeune fille aussi, pour Mortimer, et j'ai l'impression, parce que c'est un délire de perception, qu'il croise une jeune fille, une autre jeune fille, beaucoup plus jeune, qui sort, oui, et qui descend d'un bus et qui lui ressemble à Mortimer. Est-ce que ça serait... C'est vrai qu'elle lui ressemble étrangement, je suis d'accord avec vous. Donc je... Mais je ne vous en dirai pas plus. Le coup, ils ne se sont donc pas rencontrés, puisque dans Le Sanctuaire de Gondwana, c'est Ulrich qui est dans la peau de Mortimer à ce moment-là. Là, en plus, oui. Donc Mortimer n'a jamais vu cette jeune fille. Qui pourrait pour être le moment, fille. Il ne sait pas qu'elle existe, en tout cas. C'est très, très, très complexe. Il est très complexe, cet album, parce qu'en effet, on dit qu'on ne va pas tout raconter, mais malgré tout, parfois, l'un est dans la peau de l'autre. Enfin, c'est extravagant, quand même, mais... Le Sanctuaire Gondwana est un défi scénaristique, on va dire. Assez, et puis ça commence même dans les sarcophages du sixième continent, parce que à la fin, il faut. Et c'est en écrivant la fin du deuxième tome que l'idée est venue du Sanctuaire du Gondwana. D'être encore plus pervers qu'on ne pouvait imaginer. Alors, en quelques secondes, Yves Sant, ce bâton de Plutarque, donc qui est sorti depuis 3 semaines, et donc nombreux auditeurs doivent l'avoir déjà lu, mais enfin bon, d'autres noms. Bâton de Plutarque, c'est un nom de code, c'est un vrai bâton, c'est quoi? Alors, une grande partie du récit se passe, et je ne dévoile rien de trop croustillant en disant ça, se passe à Bletchley Park, qui était le lieu qui appartenait au MI6, donc la division d'espionnage de l'Angleterre, où une foule de mathématiciens, de scientifiques en tout genre, mais aussi de cruciverbistes, de joueurs d'échecs, de tout ce que vous voulez, étaient réunis pour essayer de casser les codes allemands. Ce qui, ça a été vérifié par les historiens et tout de suite après la guerre, a certainement permis d'écourter la guerre de 2 bonnes années, la Deuxième Guerre mondiale. Donc ces gens ont fait un boulot formidable. On se disait, c'est un endroit assez extraordinaire pour réunir nos personnages, puisqu'il y a des scientifiques, c'est bien pour Mortimer, il y a des militaires, c'est très bien pour Blake. Et il y a aussi beaucoup d'espions, puisqu'on ne parle que d'espionnage et de code, donc on pouvait faire intervenir Ulrich. Et ce que je trouvais intéressant, c'était de confronter le thème du cryptage des codes secrets de l'époque, donc la machine Enigma et tout ça, avec les plus vieux codes secrets inventés par l'homme. Et le bâton de Plutarque est le plus ancien moyen de cryptage qui a été recensé par les Spartiates. Plutarque, soi-disant, puisque c'est lui qui le relate, que les Spartiates l'utilisaient en 400 avant Jésus-Christ. et je laisse au lecteur le soin de voir comment ça fonctionne dans le récit. Alors, Yves Sant, on va passer toute cette nuit, Black et Mortimer, cette première nuit, donc en écoutant le feuilleton SOS Météor, et puis donc des entretiens d'Edgar P. Jacobs avec Jean Dave, et puis Une vie, une œuvre consacrée à Edgar P. Jacobs. Aussi, on parlera du hors-série Historia, puisque voilà, les personnages qui ont inspiré Black et Mortimer. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à entendre sur Edgar P. Jacobs. C'est un univers quand même formidable. Très riche. Vous n'allez pas dire le contraire. N'est pas encore épuisé, loin de là. Bon, tant mieux. Alors, la nuit commence ou continue. La nuit, Black et Mortimer, première nuit, Black et Mortimer. Et puis, il faut dire aussi que cet entretien, comme le feuilleton, comme toutes les émissions des Nuits de France Culture, eh bien, peut être réécouté en ligne durant 1000 jours et podcasté, téléchargé, durant un an en se rendant sur le site franceculture.fr à la rubrique Les Nuits de France Culture.